Les bonitos, c'est nous, on est de retour frais et dispo en bonne santé. Enfin, cette année 2020, les gars, c'est pas de la tarte, hein. Heureusement, nous sommes repris, on ne vous laisse pas tomber, chers bonitos. Vous pouvez toujours compter sur nous pour partager encore et encore nos réflexions, idées, interrogations sur la pratique de notre sacro-sainte course à pied. Et pour cet épisode qui, on l'espère, vous fera du bien, on retrouve le noyau dur de Jogging Bonito. Je suis donc entourée d'Emir et David. Salut les gars. Salut Mordi. Salut. Ça va? Ça fait plaisir de se retrouver? Ouais, je crois que la question, elle est vite répondue. Ça va très bien. Non. On a déjà commencé mal, là. Introduction, mais il est David et il est en forme. Il est en grande forme et il est magnifique. Ah bah oui. Ah bah oui. Est-ce qu'on explique à nos bonitos cette petite blague? On explique le code. Ou c'est peut-être pas nécessaire. C'est pas la peine. Il est universel à ce jour. Franchement. Ouais. Franchement, je crois que tout le monde connaît Jean-Pierre. Mon Dieu. Faut-il vraiment nommer celui qu'on ne nomme même plus? Ouais, voilà. Bon, les bonitos, je suis désolée. J'aurais aimé éviter ça. Mais bon, voilà. Parfois, on perd le contrôle, même quand on est une animatrice chevronnée. Directement, en plus, là-bas, vous m'avez mise par terre direct. Bon, ah, j'ai rien fait. Moi, je décline toute responsabilité. C'est ta vie. Je n'ai rien fait, je précise. Moi, comment ça fière. Va quand même? Ouais, bravo. Bravo, t'as réussi à le placer direct. Ah bah oui, bah, l'actualité n'attend pas hein, chez David. Ça, c'est clair. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode? Ah bah, moi, je suis absolument chaud. Ok, si on rentre direct dans le vif du sujet, on y va, on part? Ah, je crois que les auditeurs nous ont attendu assez longtemps, donc on va pas les faire patienter davantage. Ouais. Bah, c'est clair, c'est plus ce que c'était la régularité de cette émission, déjà. Ah non, plus du tout, là, on part. Ouais, bah, quand même. Épisode 29, au programme du jour, courir un danger, et j'ai arrêté la course à pied. Ah ben. C'est wow. On est optimiste déjà. Ça, c'est de la reprise. Ça, c'est du programme. Allez, donc c'est parti avec J'ai arrêté la course à pied. Donc, après des années de pratique d'un sport qui finit par nous définir, comment assumer personnellement et aux yeux des autres de passer à autre chose? Emir nous entraîne dans sa réflexion. Merci pour cette introduction, Margie. Ça, c'est dingue parce que je me rappelais plus dans les précédentes émissions. Alors, c'est pas la chronique hein, là, ça a pas commencé. Je me rappelais plus dans les précédentes émissions qu'on arrivait aussi rapidement dans une chronique. Tu vois, je suis limite perturbée. Ah ouais, non, mais parce que là, on est à fond aujourd'hui. Ah, c'est la redécouverte constante, cette émission, c'est génial. Il suffit de s'arrêter un petit peu longtemps pour redécouvrir complètement. Et d'ailleurs, ça pourrait peut-être être la conclusion de ma chronique, hein, si j'avais à la réécrire, peut-être que je dirais ça. Ah, bah peut-être tiens, je redécouvrirais un jour ce sport, si je reprends. On en parlera dans la discussion, peut-être, justement, grâce à nous, tu vas voir ça d'un nouvel œil. Tout à fait. Donc effectivement, Mardi, merci. C'est moi l'auteur de la chronique « J'ai arrêté la course à pied », je laisse à David l'autre. et donc, voilà ce que je vais vous raconter, les amis. Ce que je vais vous raconter, c'est que ça fait 8 ans. Là. Ça fait 8 ans, on peut dire que ça fait 8 ans que je fais de la course à pied, plutôt en dents de scie, même si je suis souvent pas défini comme ça. On pense souvent que je suis très régulier. Que je suis intense, que je suis à donf tout le temps. Mais en réalité, si on regarde un petit peu mon Strava, depuis que je suis sur Strava, si on scrolle un petit peu sur les mois, enfin avant que tout soit devenu payant, hein, bien sûr, sur Strava, parce que j'arrive même plus à accéder à mon training log sans avoir 8 pop-up depuis les nouvelles réformes de Strava, mais bon, cela est un autre débat. On en reparlera peut-être. On en reparlera un autre moment. Et ben, si on scrollait lorsqu'on avait accès à un training log dans Strava, on voit que t'as pas changé de pompe. Comment ? On voit que t'as pas changé de pompe depuis longtemps. On voit que, ah oui, bah, de toute façon les pompes à 3800 km sur Strava, Ça, je pense, quoi. Moi, je les ai eues très tôt. Hein. J'ai rapidement et pendant de nombreuses années eu les mêmes chaussures qui sont arrivées à des nombres de kilomètres pas possibles. D'ailleurs, il y a Strava qui se fatiguait à m'envoyer le même email tout le temps qui s'appelait « Il est peut-être temps de changer de chaussures ». Il serait temps. Ça n'a pas marché. On connaît tous ce mail. Ce mail qui ne m'a jamais alarmé à plus que ça. Mais bon, j'étais en train de faire une chronique, je crois, donc j'y retourne. Avant de digresser magnifiquement sur Strava. Oui, donc on voit encore que c'est de la dent de scie, hein, c'est-à-dire que si on scrolle un petit peu, on s'aperçoit que soit je suis à fond, à savoir je cours quasiment tous les jours et j'ai des volumes de kilomètres qui sont badass, ou soit j'ai absolument rien. Mais ça a toujours, c'est un peu toujours ce qui m'a défini dans la pratique de ce sport. Donc, je crois que c'est la première fois là que j'arrête pendant aussi longtemps, et ouais, c'est la première fois que j'enchaîne autant de mois sans courir, techniquement, sans mettre un pied devant l'autre avec une phase de suspension dans les airs. C'est la première fois. Ah, j'ai pas le souvenir que depuis 2012, j'ai eu une phase où je n'ai pendant aussi longtemps pas pratiqué le sport. Bref, avançons. Cette intro bien trop longue. Donc pendant qu'on était confinés il y a très peu de temps maintenant, il y a des nombreux domaines, hein, on le reconnaîtra tous, qui ont accueilli plein de nombreux nouveaux pratiquants. Donc ces domaines en question, il y a évidemment celui des humoristes. Hein. On a tous connu cette croissance incroyable de tous ces mimes sur Internet et autres créativités qui nous ont amusés, distraits sur les groupes WhatsApp, Facebook, Messenger et autres pendant cette période de confinement. Donc les humoristes c'était vraiment tout à fait leur heure de gloire. Donc forcément, le domaine de l'humour a connu une croissance sans commune mesure. Il y a celui aussi des coachs sportifs sur Internet. Bien évidemment, ils ont tous un petit peu senti le devoir, hein, comme un devoir qui leur incombait, de nous permettre de nous bouger le bouti à la maison. Et ici, notre animatrice, ici même, moi, m'a beaucoup permis de faire du sport pendant le confinement avec ces fameux cours de pilates à la maison. Et Tabletop. Pour les intimes. Et autant Margie, tu nous as fait quelque chose de très très sobre, autant il y avait quand même des trucs un petit peu plus extravagants de disponibles à droite à gauche sur l'internet. Donc oui, une grande heure de gloire aussi pour nos amis les coachs du fitness, qui aussi au passage, on va pas se mentir, il y avait quand même un petit peu d'audience un peu sympa à faire, on n'allait quand même pas cracher dessus. En parlant d'audience, il y a tous nos amis les influenceurs, hein, qui eux aussi, on va pas se mentir, vu qu'ils vivent des réseaux sociaux, hein, ils avaient aussi une certaine heure de gloire, puisque nous, on n'avait pas grand-chose de mieux à faire que d'exploser nos résolutions de réduction de temps d'écran quotidien sur leur nouveau contenu. Mais bon, il y a également, à part tous ces domaines, dans notre sport de prédilection, on a également accueilli un certain nombre de nouveaux pratiquants pendant cette période. Ça a fait d'ailleurs pas mal de bruit, il y a eu aussi beaucoup d'humour autour de ça. Mais moi, en ce qui me concerne, mon cerveau, il a décidé, mais complètement à l'inverse, complètement à contre-courant, il a décidé qu'il allait opter pour la pratique du sport en intérieur. J'en ai fait un petit peu, je fais du sport en intérieur, mais plus du tout de course à pied. Pendant ce confinement, je n'ai pas mis un pied dehors pour aller courir. La dernière séance que j'ai sur Strava à ce jour de course à pied, elle date du 16 mars. C'est-à-dire un jour avant le confinement, et je n'en ai pas d'autres depuis, encore à ce jour, et on est actuellement le 11 juin, au moment où on enregistre cette émission. Donc voilà, c'est assez fou, mais j'ai quitté notre sport le 16 mars, hein, et que j'ai converti du coup ma pratique de notre sport contre la pratique d'un petit peu de sport en intérieur, pour au final arrêter. Voilà, j'ai arrêté de faire du sport en ce moment. Donc pourquoi est-ce que j'ai pas repris le rune? C'est ça que je vais essayer un petit peu d'analyser dans les prochains temps, dans les prochaines minutes. C'est vraiment une grande question. Hein. Je pense pourquoi est-ce que je me suis, en tant que pratiquant, mon cerveau ne s'est pas tout simplement dit, maintenant que j'ai. Pourquoi ça ne m'a pas manqué? Pourquoi je ne me suis pas dit, dès que ça sera de nouveau disponible, je vais me sauter dessus. Je vais essayer d'analyser tout ça, on va faire un petit exercice d'introspection. On va se demander, est-ce que je suis vraiment un coureur à pied? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que je l'ai été? On va essayer de démêler un peu tout ça. Moi, dans ma vie, j'ai souvent entendu dire par les non-initiés, on va dire, de mon entourage, même par les initiés parfois à la course à pied, j'ai souvent entendu dire, mais toi, en fait, la course à pied, tu ne peux pas t'en passer. Tu es complètement un accro, quoi. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que j'ai entendu ça, je ne me suis jamais retrouvé là-dedans. j'ai jamais ressenti cette addiction dont on m'a toujours parlé et qui est soi-disant connue dans notre sport, enfin qui est connue dans notre sport. Je crois que j'ai vraiment, ça m'est jamais arrivé. Mais comme mes chers congénères qui sont pas forcément sportifs et pas forcément initiés à cette course avaient peut-être entendu dans un reportage, peut-être un peu choc, un truc comme ça, voilà, que il y avait une case qui était les coureurs addicts. C'était assez confortable pour eux de voir que quelqu'un comme moi qui faisait autant de volume pouvait rentrer dans cette case. Il m'y mettait donc assez volontiers. Voilà. Donc lui, il court beaucoup. Ça doit être ce genre de personne qui est devenu addict. Bon, pas de problème, hein, ça me dérangeait pas tant que ça. Je voulais bien, pourquoi pas me mettre dans une case si ça facilite la compréhension de ma personne. Les étiquettes, ça sert à ça, hein, d'ailleurs. Ça sert à pouvoir avoir le cerveau un peu plus tranquille sur un phénomène qu'on ne comprend pas à première vue. Ça sert à ça, une étiquette. J'ai souvent, d'ailleurs, moi, validé ce genre de remarques, qu'on a pu me faire, comme quoi j'étais un coureur addict, parce que si je commençais à tenter d'expliquer que je ne me qualifiais pas comme un accro, j'aurais sûrement été considéré comme un accro qui refuse d'admettre qu'il est accro. Donc clairement, c'est pas crédible, et donc j'aurais sûrement inutilement ramé pour arriver nulle part. Je n'ai pas cherché à lutter, et bien souvent j'allais dans le sens de ces remarques. Mais là, force est de constater quand même que j'ai bel et bien montré que cette addiction n'était pas réelle, puisque j'ai bien bel et bien été capable de vivre sans runes. Sans course à pied. Je sous-titre. Je vais utiliser runes dans la suite de cette chronique. Voilà. Donc moi, dans ma vie, ce que j'ai constaté, c'est qu'il m'a suffi. À chaque fois que j'ai eu mon cerveau qui était fortement occupé par quelque chose, ben en fait, il a vraiment très envie de s'y consacrer à fond. Il se consacre à pas grand-chose d'autre. Et à l'inverse, si jamais il est désintéressé de quelque chose, il s'en désintéresse complètement. Du coup, j'ai eu des périodes d'obsession, où l'obsession était celle, la course à pied, qui me faisait, comme je l'indiquais en mentionnant mon profil Strava, qui me faisait courir quasiment tous les jours sur des énormes volumes. J'étais vraiment obsédé par ça sur certaines périodes, alors qu'à l'inverse, j'ai eu des périodes où je faisais plus rien du tout. Je le rementionne. Voilà. Donc, je pense que cette obsession, quand je l'ai vécue, elle était très entretenue par la présence de jalons dans ma vie sportive qui étaient nos dossards, nos temps forts d'une année, nos objectifs. Ces objectifs qui ont disparu. Et c'est la première fois, je pense, dans la vie de beaucoup de coureurs, dont moi, où carrément, on n'a plus aucune échéance en face de nous. Donc ça a dû quand même retourner pas mal de planning de sport, ça a dû retourner, faire réfléchir énormément de coureurs sur leur approche de la pratique de notre sport et l'importance d'un dossard dans notre sport. Enfin, moi, en tout cas, force est de constater, je pense que c'est l'absence de dossard, l'absence d'objectif en face de moi, parce que là, clairement, ça n'est pas une absence où on peut se dire jusque telle date, il n'y a plus de dossard. On n'en sait rien. Et ça, c'est quelque chose de quand même très très fort et d'historique à l'échelle de la vie de ma vie à moi de coureur, mais aussi, je pense, de beaucoup de coureurs. Donc ces dossards n'étant plus, mon cerveau, inapte à avoir des objectifs à l'horizon, il a dû s'arrêter tout simplement de trouver l'intérêt dans la pratique de la course à pied. C'est un constat que j'essaye d'observer le plus froidement possible, et j'essaye d'avoir un certain détachement, mais c'est quand même pas évident de faire ce constat. C'est pas évident parce que moi, je me suis créé du coup pendant de nombreuses années une image de moi-même qui tournait quasi complètement autour de ce sport, autour de notre sport, la course à pied. Ce sport est lié à ma personnalité, il est lié à mon personnage, si je puis dire. Mon personnage sur Internet, qui est très proche de ma personne d'ailleurs. Mais ça me fait vraiment bizarre de voir que cet aspect de moi puisse disparaître en quelque sorte de la sorte, voilà, et modifier l'image que je peux avoir de moi-même, tellement c'était un pilier structurant de ma personne, enfin, c'est devenu vraiment un pilier structurant, qui là, je vois, est en train vraiment, sur une longue période, de ne plus me caractériser, de ne plus faire partie de moi. Donc je suis passé par de la forte remise en question, on le constate dans ce début de chronique, je sais bien que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que ça m'arrive un petit peu souvent dans la vie que de me remettre en question, mais là quand même je crois que la situation le mérite un petit peu. Vraiment mon constat c'est que c'est pas facile, quand on met des années à essayer de se comprendre, ce qui est mon cas, hein, de se trouver, voilà, de s'arrêter sur quelque chose, d'essayer de se raccrocher à quelque chose, à qui on est, qu'est-ce qui nous caractérise, ça part en philosophie un petit peu, hein. On ne se refuse rien sur ce retour dans le jeu Bonito. Voilà, quand je trouve enfin une régularité, j'ai enfin trouvé une régularité dans quelque chose, alors que moi j'ai tendance à être plutôt volatile, j'ai trouvé de la régularité dans la course à pied. J'avais tendance du coup à m'y attacher un peu, je me suis dit j'ai trouvé mon truc, je m'y suis attaché même, pas qu'un peu, je m'y suis attaché fort. Mais du coup, voilà, là je vois qu'en fait mon attachement à ce sport, ce pilier pouvait peut-être tenir qu'à l'existence d'échéances, qui étaient les dossards. Et ça me perturbe un peu sur l'image que je peux avoir de moi-même. Voilà. Est-ce vraiment un sportif qu'un sportif qui ne l'est plus s'il ne peut plus payer pour courir ? Présenté comme ça, hein, la question est pleine. Je vous la donne, on peut en réfléchir. Bien sûr, en commentaire 5 étoiles sur iTunes. Vous avez 4 heures. Très bien. Voilà, donc pourquoi c'est pas facile ? Pourquoi c'est dur au final de constater des choses sur soi ? C'est bizarre un peu, pourquoi c'est dur ? On peut pas juste constater, se dire bah, au final c'est ça, et le prendre froidement et en déduire des choses. Bah, pourquoi c'est dur ? Pourquoi j'arrive pas à accepter un constat ? Pourquoi j'ai l'impression de me décevoir ? Je trouve ça un peu bizarre. Je me demande si c'est pas facile. Ah, c'est une question encore un peu profonde. Hein. Je me demande si c'est pas facile parce que je me déçois moi personnellement ou parce que je vais devoir assumer que le personnage que j'ai construit prend à contre-pied mon entourage. Et que du coup, par mécanique de cohérence, en fonction de qui je suis, je me vois dans l'obligation de ressembler à ma personne, mon personnage tel qu'il est connu, et que du coup, le fait de ne plus l'être, ça titille mon besoin humain intrinsèque de cohérence. Je me demande si je suis déçu parce que je suis intrinsèquement déçu de moi, ou au contraire, si je suis déçu parce que je me dis que les gens vont être déçus. La question est pleine, mais j'ai bien une petite idée. Je crois qu'en fait, le fait d'avoir arrêté la course à pied jusqu'à nouvel ordre, moi, au fond, ça me dérange pas plus que ça, à moi, à ma personne, s'il s'agissait vraiment que de moi en tout cas. Ce qui me pèse en revanche, c'est peut-être de faire face aux multiples incompréhensions de mon entourage, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le perso, un peu partout, qui déjà m'a demandé tous les jours, pendant le confinement, comment je le vivais. Alors, du coup, t'as couru une heure, un kilomètre autour de chez toi ? J'ai dû expliquer un nombre incalculable de fois que non, que j'avais décidé de ne pas tirer parti de cette heure qui nous avait été octroyée par l'ami Edouard, je ne l'utilisais pas, délibérément. C'était souvent une source d'incompréhension d'ailleurs, parce que pourquoi un coureur comme moi n'utilisait pas quelque chose dont il avait le droit ? Voilà, ça a été dur à expliquer, c'était dur à faire comprendre. Pas facile de dire, écoute, moi, pas envie. Et en plus, je considère que si je dois rester chez moi et que je le peux, eh bien, je le fais. Donc, il m'a fallu expliquer ça un grand nombre de fois. Et maintenant, depuis le 11 mai, donc depuis le déconfinement en France, j'ai dû répondre un nombre incalculable de fois à une autre question cette fois-ci. J'en veux pas du tout à ceux qui la posent cette question, parce qu'elle est hyper naturelle. En aucun cas, je leur en veux, vraiment pas. Qui était donc la suivante, cette seconde question. Alors, t'es sorti courir, t'es heureux ? En disant que, non, que j'étais pas ressorti courir, ça me faisait à chaque fois un petit quelque chose. Je savais, en fait, même pas expliquer pourquoi. Je savais pas. Tout ce que je voulais dans ces cas-là, c'était abréger la conversation, tout simplement. Donc le constat, c'est le suivant, à l'échelle de ma vie à moi, je fais un peu de l'autobiographie, là. Je me dis, une fois de plus, si au montage... on veut bien me mettre des petits violons, hein, ça va être c'est pour histoire de se mettre en condition. Une fois de plus, je pense que voilà, dans ma vie, je suis un petit peu à contre-pied. J'ai dû créer une image qui est pas évidente à assumer. J'ai créé un personnage à qui on va associer des choses, mais la personne qui se trouve derrière, en réalité, elle est pas si facile à comprendre. Par moi le premier. Je suis une personne qui est très en dents de scie, ce qui, de l'extérieur, n'est pas du tout facile à lire, puisque le monde, mon entourage, s'attend à une certaine cohérence. Je constate que je passe ma vie, en fait, à prendre mon entourage vachement à contre-pied, C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, et cet exemple de la course à pied, bah, c'est qu'une illustration de plus. On est exposé à quelqu'un qui court souvent, il suffit qu'on voit trois échantillons qui montrent que cette personne court souvent, et hop, on va instantanément déduire que cette personne court tout le temps. Et cette image de la personne qui court tout le temps va nous rester très longtemps. Et ensuite, les prochains signes qui vont peut-être montrer que cette personne ne court plus ou ne court pas, vont être automatiquement, entre guillemets, refusés par le cerveau, puisque ça va à l'encontre de l'étiquette qu'il a créée précédemment. Alors qu'à l'inverse, eh bien, les fois où je vais recourir et où ils vont y être exposés vont valider l'étiquette qu'ils ont créée, et donc se dire « Ah bah voilà, il court encore ». Donc si les bonitos, pour récapituler un petit peu, enfin, pas pour récapituler, c'est une autre idée, hors sujet, ce n'est pas un récapitulatif. L'autre idée, l'idée suivante de cette chronique, c'est que si vous avez une minorité dans vos traits de caractère, dans votre personnalité, quelle qu'elle soit, vous avez sûrement déjà vécu ce genre de choses, c'est que tout le monde, relativement à cette petite différence, il va aller de sa petite remarque. D'ailleurs, on peut le vivre n'importe quand, il suffit, tu mets une chemise blanche, tu fais délibérément une méga tache rouge, enfin le jour où tu auras le droit de sortir en compagnie de gens, bien sûr. Le jour où tu auras le droit de sortir dans des groupes sociaux, ce que tu fais comme expérience, si tu ne l'as pas expérimenté parce que t'es une minorité en rien, cher Bonito, tu prends ta chemise blanche, tu fais une tache de ketchup bien au milieu, tu vois, un truc bien, voilà, et tu sors délibérément comme ça. Et tu comptes le nombre de fois où quelqu'un te fait une blague là-dessus ou te fait une remarque là-dessus. Et ensuite, tu te demandes à toi, en introspection si tu le souhaites, tu te demandes au bout de combien de remarques tu commences à en avoir marre. Ton cerveau, tu sais, il commence à réagir, enfin, il est saoulé, quoi, parce que je pense que le cerveau humain, tu l'exposes un certain nombre N de fois à la même remarque. On a tous des N différents de tolérance, mais quand même, hein, je pense qu'il n'y en a pas, à part les moines Shaolin. Bref, en tout cas, si t'as des minorités comme ça, tu l'as déjà vécu, avoir des remarques tout le temps. Voilà, et c'est difficile de répondre calmement au bout d'un moment, répondre calmement, patiemment, poliment, 50 fois à la même chose, à la même remarque. Voilà, c'est difficile en tant qu'humain. Le problème, c'est qu'à un moment donné, bah, la 50e personne qui fait la remarque, elle se mange une réponse agacée, alors qu'a priori, bah, elle n'a rien fait de mal, à part le fait d'être la 50e personne qui arrive. Bah, le 50e, il m'entend m'agacer un petit peu et lui répondre, et il me dit « Bah, je crois que tu ferais bien de retourner courir, toi, hein. » Voilà, allez, bah oui, puisque je commence, voilà, j'en ai besoin évidemment, junkie que je suis. Voilà les bonitos, ce que je voulais vous partager, le résultat de toute cette phase d'arrêt quasi forcée, hein, puisque on l'a vu, hein, certains ne se sont pas forcément arrêtés, voilà, profondément modifié à moi ma vie sportive, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, hein, avec une petite analyse. Actuellement, je suis toujours pas appelé à recourir, et à l'instant où je vous parle, le fait d'avoir un cardio en vraiment bonne condition, le fait de faire des RP, ce qui sont vraiment des choses qui m'ont animé dans le passé, bah aujourd'hui ça me chauffe vraiment plus. J'ai ma montre GPS qui est en PLS en train de prendre la poussière sur mon bureau, et quoi qu'elle essaye de me lancer comme insulte connectée, ça me passe totalement au-dessus. Tu vois, tu peux me lâcher ta VMA, ta VO2 max, baisse, il y a tout qui baisse, bouge ton HUC, bouge ton bouffi. Alors là, elle peut dire tout ce qu'elle veut, ça ne m'affecte pas le moins du monde. Tu vas l'envoyer par la fenêtre, bientôt. même pas, je suis dans l'indifférence la plus totale. Fiche. C'est pire que tout, tu vois. C'est même pas comme si je m'énervais, parce que quand tu t'énerves, tu accordes de l'attention. C'est vrai. Là, c'est pire que tout, c'est l'indifférence. C'est de l'indifférence, ouais, c'est le pire. Mais quoi qu'il en soit, Émir, ouais. Nous, y a une chose qui te définira toujours, c'est d'être un bonito. Et ça, tu pourras pas t'en détacher. Merci Margie, quelle magnifique conclusion. Merci beaucoup Margie. Bah moi j'ai quand même quelques questions qui sont ouvertes et auxquelles on peut discuter. Moi je dis que s'il y a des bonitos qui veulent réfléchir à certaines choses, qui veulent nous parler en commentaire ou sur les canaux de prédilection qu'on peut avoir pour discuter avec nous. D'ailleurs quels sont-ils, avant que je lâche mes questions? Quels sont les canaux sur lesquels on peut parler avec les bonitos là? Twitter, Facebook. Facebook, Discord, on y est toujours sur Discord, ce réseau social. On est moyen, hein. On n'est plus trop, on est bof sur mais le Discord. Mais il faudrait remettre les discussions sur Discord. Bon, en tout cas, Twitter, ça, on sait qu'il y a du monde sur Twitter. Moi, j'y suis, ça c'est sûr, donc si on se chauffe. Moi, j'ai quelques questions un petit peu sympas à partager avec les amis Bonito. Les questions sont les suivantes. Donc, À quoi, cher Bonito, ça a ressemblé, vous, la manière dont vous avez vécu le confinement? Est-ce que ça vous a coupé l'herbe sous le pied? Est-ce que vous aviez peut-être une prépa en cours et bim, vous vous êtes fait frapper plein fouet par la disparition de ces échéances, cet arrêt un petit peu imposé? Est-ce que vous l'avez vu comme une opportunité de varier votre pratique en faisant peut-être du cardio en intérieur ou faire de la PPG? Tiens, parlons de PPG, ça fait longtemps. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je vais faire de la PPG à la maison? Est-ce que voilà, vous avez vu ça comme une opportunité de varier et que vous avez repris par la suite? Est-ce que voilà, ça vous a fait accélérer votre pratique? Est-ce que ça a calmé votre pratique? Tout plein de questions. Est-ce que ça vous a créé un manque tellement fort que qu'au 1er juin à 23h59, vous étiez les premiers devant votre parc préféré pour aller faire le premier run? Vous étiez dans une urgence pas possible, comme nos chers congénères qui ont fait 8 heures de queue pour obtenir un Big Mac à la réouverture des drives? Est-ce que vous étiez comme ça? Dites-moi. Voilà les amis, si on peut discuter de ça sur Twitter, je suis complètement ouvert. Voilà, voilà. Ok, et toi David, t'as déjà connu des périodes où tu te définissais plus comme un coureur? Et est-ce que ça te dérangeait ou pas? Déjà, il n'y a pas un moment, je pense, où je me suis déjà défini comme un coureur. Ça me surprend toujours en fait de voir les personnes qui se souviennent de la date exacte à laquelle ils ont commencé à pratiquer le running. Ça me surprend toujours, hein. Exact, carrément. À la date exacte, il y en a qui ont la date exacte, genre mon anniversaire, le jour. Oui, ah ouais, ah non, ah, moi j'ai pas ça. Oh, je sais quand. Ah, si, ça. Je savais pas quelle est la date. Souvent, c'est l'année. Moi, j'ai l'année, ouais, par exemple. Mais j'ai pas le. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, allez, je me mets à la course à pied aujourd'hui. C'est de temps en temps, j'ai fait de la course à pied. Des fois, j'en ai fait moins. Mais j'ai l'impression d'en avoir toujours fait un petit peu. Mais je sais pas, je me souviens de la date de mon mariage, de la date de mes enfants, d'anniversaire de mes enfants, à la limite de notre rencontre sur semi-marathon avec Émir, peut-être. Mais honnêtement, ouais, c'est un autre style de rencontre amoureuse. Mais, adopte un runner. Mais après. Et moi, tu t'en fiches, quoi. Ouais, ben non, à peu près, oui, je me souviens, mais honnêtement, je vois pas vraiment comment on peut se sentir gêné par le fait de se sentir moins appartenant à la communauté des runners. D'ailleurs, moi, sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien en fait que le réseau, les personnes avec qui je communique, soient pas forcément axées que running. Et j'aimerais aussi qu'il y ait une acceptation de parfois lorsqu'on a envie de papoter d'autres choses, quoi. Donc que ce soit un petit peu moins j'allais dire presque communautaire, quoi. Fermé. Tiens, un peu moins fermé, ouais. Donc j'ai un peu du mal à ressentir la détresse, comment on peut ressentir de la détresse et parce qu'on se sent plus coureur. À la limite, si, bah, quand on fait une carrière professionnelle, je comprends tout à fait, quoi. Mais quand je mettrai un terme à ma saison running-esque, ou je ne sais pas comment on peut dire, runistique, je n'ai pas prévu de sortir un communiqué de presse, quoi. Oh. Tain, pourtant, il y en a plein qui l'ont fait. Après, c'est peut-être aussi parce que comme tu dis, ça a toujours fait partie de ta vie, la course à pied, plus ou moins, quoi. Que Émir, toi, t'as commencé, quoi. Tu t'es dit, bam, là, maintenant, je me mets à la course à pied. Je ne le suis pas dit comme ça, mais j'ai constaté un avant et un après, quand même, clairement, ouais. Dans le sens où je me suis dit, là, j'intensifie vraiment, et là, vraiment, ce sport est en train de prendre une place. Voilà, ouais. Je sais que c'était en 2012, ça. Mm-mm. Du coup, c'est là où pourtant avant j'avais déjà couru hein, par période dans le passé, mais pour moi ça faisait pas vraiment partie de ma vie. Ça a commencé à être central dans ma vie, j'ose le central, hein, en 2012, ouais. Mmh. Si, il y a quand même un moment où il y a un sentiment d'appartenance qui est intervenu, en tout cas pour ma part. C'est le moment exact où j'ai commencé à trouver que les fringues de running c'était pas si moche. ça marque un tournant, quoi. Parce qu'il y avait aussi un avant et après. Un avant, c'est-à-dire que ça ressemblait à rien. Les chaussures de running, c'était vraiment très vilain. Et puis, ben, avec le, enfin, il s'est passé un truc à un moment donné où j'ai trouvé ça sympa, ces baskets grises ou blanches, avec toutes la même forme. Après, pour toi, Émir, t'as beaucoup défini la course à pied, tu le dis aussi, par le fait de faire des courses. C'est ça aussi. Parce que. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que moi, personnellement, j'en fais pas beaucoup des courses. Et c'est pas pour ça que j'ai toujours un petit peu couru. Maintenant, quand je me rappelle de quand je me suis sentie coureuse, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner pour faire des courses. Voilà. Mais en fait, il faut savoir comment on définit la course à pied. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis aussi, quelle place... C'est toi, David, qui l'a dit ou Émir ? Non, c'est toi, Émir. T'as dit, tu t'es rendu compte que la course à pied avait une place importante dans ta vie. Centrale. Ouais, centrale, voilà. Ouais. Donc... En fait, tu as utilisé la course à pied un petit peu pour te définir. Bon, c'est ce que tu nous as dit aussi. Mais ouais, tout à fait, ouais. Complètement, ouais. Enfin, ça faisait partie de... Ouais, carrément, je peux dire que la course à pied, je peux même encore le dire, hein, vu que j'ai des années où ma vie, c'est... je peux la résumer en la course à pied. Mm. Enfin, le travail, bien sûr, mais ça ne sert à rien de le préciser. À côté de ça, c'était la course à pied, ouais. Mais du coup, depuis avoir ça, ça te pose un souci parce que tu as l'impression que tu as perdu un petit peu d'identité. Mais en même temps, moi, ce que je me dis, c'est que c'est une expérience. Tu ne sais pas si tu retrouveras, peut-être, tu retrouveras envie de recourir. Et j'en doute même pas trop, en fait. Ouais. Ouais. Je pense vraiment que, ouais, tout à fait. Et ça t'aura permis, comme toutes les expériences dans la vie, c'est de grandir, évoluer. Et parfois, je pense que nos proches n'arrivent pas à nous voir évoluer et grandir et changer. Et c'est pour ça qu'ils restent sur le côté. Toi, tu es un coureur et... Et ça leur fait bizarre que ça ait changé. Alors pour moi, c'est nos proches et même pas forcément que nos proches, en fait. C'est-à-dire, ouais, ça, les gens dépend, en général, ouais. Tous les gens, ouais, mm-hmm. à qui on a donné une image pour la faire changer. Ça, c'est faire changer une opinion, voilà, qu'elle a été acquise légitimement ou pas, qu'elle ait été acquise avec pertinence, avec méthode ou pas. Une opinion, quand elle est là, va l'enlever, quoi. Hein, c'est compliqué. Puis les gens, je pense, les gens aussi ont peur du changement en général, en tout. Et donc, si tu vois changer toi, peut-être ça les renvoie à eux qui ne changent pas aussi. C'est tout, c'est ça aussi peut-être le problème. Voilà. Mardi, je vais te donner ma place de chroniqueur. Là, tu vas nous philosopher. C'est Mardi, tu veux que je passe de l'autre côté? Je vais animer Mardi. C'est toi qui prends ma place. C'est toi la philosophe. Tu m'as fait réfléchir avec ta chronique. C'est beau. J'aime ça. Mais je me suis déjà posé pas mal de questions sur la course à pied et la place que ça a dans notre vie. Donc, enfin, dans ma vie, en tous les cas. Donc, c'est pour ça. Je peux me retrouver. Mmh. Ouais, bah, j'en parlais un tout petit peu quand je parlais du mécanisme d'étiquette pendant la chronique. Je trouve que les étiquettes, voilà, ça va très, très vite. C'est une mécanique que le cerveau met en place un peu toute seule. Hein, mmh. Un peu tout seul. Voilà, ça lui permet de prendre des raccourcis et de pas avoir à tout réanalyser tout le temps. C'est une mécanique normale. Mm. Ça a d'ailleurs un nom, ça doit s'appeler un biais de quelque chose, je présume. Enfin, ça fait partie. On demandera à Xavier. Biais cognitif. Ouais, voilà. Voilà, c'est une mécanique bien connue et qui est utile, qui est réellement utile. Le cerveau a besoin de faire des raccourcis, a besoin de ne pas avoir à se questionner tout le temps sur certaines choses. Du coup, dans certains cas, ça crée des imprécisions et des fausses opinions, en quelque sorte. Mais pour le coup, c'est vraiment une mécanique naturelle que de faire ça. Mmh. Mais moi, je l'ai beaucoup subi, ça, parce que je suis quelqu'un qui est vachement en denti. Mais en fait, je ne fais que prendre à contre-pied les opinions qu'on peut se construire sur moi. C'est-à-dire, le temps qu'on se fasse une opinion de moi, ça se trouve, je suis parti du tout à l'inverse. De l'autre côté, ouais. Là, je parle de la course à pied, mais ça a aussi arrivé sur certains points de vue que je peux avoir, parce que je peux aller assez vite... Enfin, je peux évoluer rapidement sur ma compréhension d'un sujet ou sur une position que je peux avoir. Moi, ça me pose pas de problème de réaliser ou d'avancer sur un sujet, de me rendre compte que j'ai tort et de me retrouver dans le sens inverse, de manière argumentée, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'être une girouette sans comprendre ce qui se passe. Mais si j'ai eu un débat ou un échange d'idées ou quoi, je peux complètement changer. Et ça, souvent, voilà, c'est dur de le faire comprendre. Ah bah ça, oui. C'est pas évident, ouais. Le fait de changer un peu brutalement d'état, ça prend toujours contre-pied. Toujours. Enfin, ce que j'ai observé, en tout cas. Puis ça chamboule les gens qui sont en face. Moi, ça, je pense aussi beaucoup. Parce qu'eux, peut-être, n'ont pas le courage de changer. Oh là là. Je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça vachement vrai, en fait, ce point. C'est, alors là, pour le coup, dans ce cas-là, je ne sais pas hein, si c'est vraiment de. Non, mais en tout cas, ça les met peut-être parler, face à cette mécanique. Face à leur contradiction, entre guillemets, je sais pas, mais. Enfin, quand je dis ça, je dis ça. Vas-y, mets-y un peu de mépris. Mais non, non, c'est pas du mépris. J'ai beaucoup changé aussi dans ma vie, et j'ai beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, et qui sont toujours à se me poser les mêmes questions des années après les changements que j'ai faits. Et voilà. Et à un moment donné, tu te dis, soit tu acceptes, et puis c'est tout, et tu vas toujours répéter 500 fois la même chose aux personnes. Soit tu te dis que c'est pas toi le problème, en fait. C'est eux, en face. Oui, alors là, moi, je comprends tout à fait. Pour moi, il n'y a pas de lien direct avec ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui. Mais dans ce que tu dis là, mardi, moi, je suis tout à fait d'accord, si je peux me permettre, du coup, de digresser. C'est que je pense que j'ai aussi pas mal expérimenté, si je devais analyser mes expériences, course à pied ou pas course à pied, le fait que si je fais part d'un de mes comportements dans lequel il peut être interprété que j'essaye d'être moralisateur, même si ce n'est pas du tout le cas, je vais déclencher un mécanisme de défense non sollicité chez une personne. Alors, je vais donner un exemple tout bête, parce que, par exemple, pendant le confinement, j'en parle dans ma chronique, il suffisait que je dise « Non, moi, je ne sors pas parce que je préfère rester chez moi autant que possible », sans aucun jugement sur la pratique de la personne que j'ai en face de moi, et je faisais bien attention de, dans aucun cas, essayer d'expliquer aux gens comment ils doivent se comporter, j'ai très souvent eu des réactions un peu défensives, du genre « Ah oui, mais tu sais, moi, je fais très attention. » Mais je ne t'ai pas demandé, cher ami, je ne t'ai pas demandé si tu faisais très attention. Pas du tout. Mais tu as ressenti le besoin de me le dire parce que tu as pensé que je te jugeais, alors que non. C'est très souvent, hein, on reflète par certaines actions, on peut refléter des gens qui se mettent en auto-mécanisme de défense. Et j'ai beaucoup observé ça. C'est le même principe, à Margie, tu dois le vivre, tu sais, dans le végétalisme. Oh ben, oui. Très souvent, quand tu dis « moi, je ne mange pas de viande », en face de toi, il y a quelqu'un qui va te dire, alors que tu lui as absolument rien demandé, te dire « ah, mais tu sais, moi, j'ai réduit ma consommation ». D'accord, c'est très bien, mais je ne... Enfin, tu vois, c'est encore une fois, quand tu mets les gens en face d'une différence, ils pensent que tu les juges, ça peut arriver, ça, oui, effectivement. Moi, c'est aussi son... Ouais, mais je peux pas le faire, moi, en fait. Toi, tu peux, mais moi, je peux pas. Bon. Voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tout plein d'autres où il me semble effectivement qu'en incarnant un comportement, les gens peuvent parfois se sentir attaqués alors que ça n'est pas voulu. Voilà. Et puis, pour revenir un petit peu sur la chronique, c'est vrai qu'on est parti. C'est la même chose, je pense, que quand toi, tu changes par rapport aux gens, les gens ont du mal à savoir, à te capter, quoi, en fait. Et c'est pour ça, ça les dérange que tu aies changé radicalement ou pas, mais bon, que tu aies changé d'avis ou de pratique ou de... Voilà. C'est normal que ça puisse interloquer aussi quand c'est un changement radical. Je veux dire, Tout à fait. Ah, mais entièrement d'accord. C'est tout à fait ça. Puis il y a un fameux biais que vous connaissez certainement, de nom ou pas, qui est le biais de confirmation, où on a vraiment, c'est un biais cognitif de confirmation, où c'est notre cerveau cherche les informations qui vont dans le sens de ce qu'il sait déjà. Du coup, quand il y a une information qui va dans le sens complètement opposé, le cerveau a tendance à l'ignorer. À l'inverse, il va valider une information qui va dans son sens. Et d'ailleurs, j'en ai parlé pendant la chronique, lorsque j'ai dit que, lorsque les gens m'avaient tagué comme étant celui qui court beaucoup, lorsqu'ils me voyaient courir, ils disaient « Ah ouais, c'est bon, c'est toujours un coureur ». En revanche, lorsqu'ils voyaient peut-être que j'avais des périodes où je courais pas du tout, leur cerveau ne relevait pas. Du coup, pour moi, c'est carrément une illustration de ce fameux biais de confirmation, ce genre de choses. T'es dans la case des coureurs, donc de toute façon, tu cours. C'est pas possible que t'aies arrêté de courir. T'es un coureur, donc tu cours, tu vois. Parce que je suis pas représentatif, à ma connaissance, je suis pas représentatif de la moyenne entre guillemets des coureurs dans la mesure où je suis quelqu'un qui alterne énormément, beaucoup avec rien. Je connais pas grand monde comme ça. Du coup, je suppose que c'est difficile à appréhender vu que je rentre pas dans les patterns classiques. C'est dur de me rentrer dans une case. Et comme le cerveau cherche à mettre dans les cases pour mieux comprendre, on essaye de me rentrer dans des cases, et comme je rentre rarement dans des cases... En fait, c'est pas ça. Ouais. En fait, c'est même pas complètement ça. C'est que comme ta pratique est en dents de scie, elle est radicale dans un sens ou dans un autre, elle est plus visible, donc elle interpelle plus, elle saute plus aux yeux, tout simplement. Donc, quand elle est en dents de scie haute, oui, elle saute plus aux yeux, effectivement. ou peut-être basse aussi. Si on voit que Emir n'a plus de sortie de, sur son Strava, on s'interroge, on se demande qu'est-ce qui se passe. Il a arrêté, est-ce qu'il s'est blessé, est-ce ouais, que c'est ça, ouais. Ah bon, ah bah, tu vois, je suis okay. Non mais j'ai beaucoup plus d'interactions quand je fais trop. Non que mais quand attendez, je fais pas attendez, assez. attendez. Je ne parle pas pour moi. C'est pas mon avis que je donne là. C'est une possibilité, c'est une hypothèse. Je ne m'interroge pas sur la pratique d'Emir personnellement. Quand il ne, d'abord, je ne vais pas sur Strava regarder ce que font les gens. J'ai pas le temps malheureusement. Mais il me paraît normal lorsque tu habitues un œil à une activité très soutenue du kilométrage, etc., ben que cet œil soit interpellé par le fait que d'un coup il voit plus rien. Donc c'est pour ça que quelque part cet étonnement que vous semblez tous les deux un petit peu relever, moi-même il m'étonne cet étonnement parce un étonnement. Bah je suis pas étonné. Enfin j'ai pas l'impression qu'on. Enfin pas étonné, mais tu vois. Bah, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu vois que chez vous ça provoque une attention particulière. Vous remarquez bien que les gens vous remarquez bien l'attitude des gens par rapport à ça, et comment dire, ouais, elle vous interpelle quand même, quoi. Moi c'est vraiment c'est un sentiment que ça me donne. J'analyse, enfin de mon point de vue c'est un peu une analyse des comportements que j'ai pu observer. C'est un peu comme si je documentais ce que j'ai pu observer. Très bien. Après, le fait d'observer ne signifie pas que ça m'étonne. D'ailleurs, j'essaye de mettre des mécanismes connus sur ce que j'ai pu observer, à savoir, je pense que j'essaye d'interpréter, pour moi, des mécaniques que je peux connaître du cerveau humain et comment, moi, je les ai vécues. Enfin, c'est ce que j'essaye de... Ouais, mais c'est parce qu'entre toi et Margie, vous étiez en train de partir un petit peu sur une description un peu caustique des remarques des gens avec des exemples dépensifs ou des remarques récurrentes. Moi, ce que je voulais surtout dire, hein, c'est pas le fait que les gens soient étonnés, c'est le fait que les gens restent bloqués sur une image de toi et qu'ils veulent pas la changer. Moi, c'est surtout ça. C'est une mécanique naturelle. Enfin, pour le coup, on l'observe. Ça me paraît naturel, ce genre de truc. Mais pour moi aussi, c'est une réalité, ce que tu dis, Mardi. En fait, c'est un peu comme si on décrivait comment un humain fonctionne, en quelque sorte. C'est assez normal quand même que les gens aient un peu une définition de toi. Alors, elle est forcément plus ou moins ouverte. Mmh. Mais après, encore une fois, il faut voir dans quel cadre. Je veux dire, si on parle des réseaux sociaux, forcément, c'est toujours un peu binaire, quoi. C'est toujours un petit peu... Il y a peu de nuances, quoi. Je veux dire, et d'ailleurs, dans ce genre de communauté, la nuance, elle t'exclut un peu, quoi. Elle embête un petit peu, quoi. On n'attend pas de toi de montrer des aspérités, etc. On attend que tu balances ton kilométrage, quoi. On attend que tu balances que t'as envoyé du kilomètre. Bon, voilà. Après, par rapport à ce, moi je sais pas, Emir, t'as peut-être encore des choses à dire, mais moi j'ai plein de réactions en fait, parce que j'ai pas beaucoup parlé, je vous ai beaucoup Vas-y. Écouté. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Non, j'ai pu. Enfin, juste peut-être pour terminer avec la réponse à ton point, j'ai dû dire dans la chronique au moins une ou deux fois, je pense, que vraiment, même si, parce que j'ai pas du tout envie qu'on comprenne que je suis en train de dire que les fameux gens qui posent des questions, hein, dans ma chronique, je leur en veux, parce que pas du tout. Au final, j'ai vraiment essayé de dire que même si on pose 50 fois une question, si je suis agacé, c'est pas la faute de ces gens, parce que c'est tout à fait normal de poser des questions sur des choses qui nous étonnent. Il n'y a rien de plus humain comme mécanisme que d'être étonné de quelque chose et donc de demander. Hein, j'utilisais une image où tu fais une tache de ketchup sur ta chemise blanche et tu vas dehors, voilà, tu vas te manger 8000 fois la même remarque, ton cerveau il se fatigue. Tout est. J'en veux pas à ces gens qui te font la remarque que t'as une tache sur ta chemise, clairement, tu vois, c'est normal de le faire. Donc c'est ce que j'essayais de dire, hein. Je cherche pas à pointer des comportements de gens en disant « c'est pas bien les gens, gna gna », je veux pas rentrer dans un cliché pareil, clairement, c'est tout à fait normal, les mécaniques, et j'en veux pas aux gens qui ont des réactions, je dis juste que ma façon de faire dans la vie, en général, elle me cause les réactions que j'ai pu décrire. Bon, bref, peut-être que j'ai un petit peu mal interprété, mais il me semblait quand même avoir percevoir un côté, je t'ai dit ça, je t'ai pas demandé toi je t'ai pas demandé quoi, ou toi je t'ai pas demandé de ah oui je l'ai dit ça ouais. Tout à fait oui, donc on est bien je d'accord l'ai... donc par quand je l'ai à commenté ça, je tout à fait dit ça ouais ouais je, par rapport à ça je pense que c'est aussi une mécanique comme tu disais une mécanique naturelle et donc ouais. Pour ça je trouve que c'est quand même bien d'être détaché les gens quand ils se positionnent en fait par rapport à ce que tu leur dis d'ailleurs qu'ils soient d'accord pas d'accord qu'ils soient en opposition ou pas en opposition ils sont obligés de se positionner c'est une question de reconnaissance en fait. C'est vraiment le concept de la reconnaissance quoi. Enfin, ce que je veux dire c'est que oui c'est une mécanique naturelle mais qui apporte aux gens pour eux-mêmes. Je veux dire. Donc c'est pas les gens cherchent pas à imposer leur point de vue que tu n'as pas demandé, mais les gens cherchent aussi tout simplement à ils cherchent à s'exprimer en fait, à s'exprimer et à se positionner quoi. Ils se positionnent. Voilà moi comment je sens les choses. Alors c'est fait parfois avec plus ou moins de délicatesse, mais de toute façon comme c'est des processus sans doute inconscients, on n'a pas forcément. C'est totalement inconscient. Délicatesse. Voilà. Je te rejoins complètement, c'est inconscient, mais je trouve que c'est intéressant de le pointer. C'est-à-dire, le fait de pointer une mécanique inconsciente, c'est à mon avis intéressant. Le fait de dire que dans le comportement de quelqu'un, on a son propre miroir et que si on a éventuellement des choses à se reprocher, parfois, non, on a tendance à. On peut en parler du coup, mais pour moi, c'était intéressant de pointer ça justement pour ça. Si tu considères de toi-même qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas trop, par exemple, tu es un fumeur et tu aimerais bien arrêter de fumer. Je prends un exemple vraiment qui n'a aucun rapport. Tu vois quelqu'un au cours d'une discussion qui ne fume pas et qui te dit par exemple « Ah bah moi j'ai arrêté de fumer depuis 2 ans parce que franchement j'en pouvais plus et ça fait du mal à ma santé, à mon portefeuille. » Qu'est-ce qui fait ton cerveau, toi fumeur qui n'arrive pas à arrêter de fumer, qu'est-ce qui fait à ton avis de manière purement inconsciente? Il se dit, à mon avis en tout cas, il se dit, oh, putain, il est en train de me renvoyer le fait que moi j'arrive pas à m'en sortir. Et du coup, bim, mécanisme de défense se déclenche et tu dis, ah mais tu sais, moi j'essaye beaucoup. Ou alors tu essayes de te soulager, ton cerveau cherche à se soulager. C'est pour moi, c'est purement une mécanique humaine. Mais après, moi, je nie pas du tout que ça puisse exister. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus nuancé. Les comportements humains, ils sont pas si binaires, quoi. Je veux dire, là, observable tout le temps, David. Ça. Ce que tu viens de dire, c'est ni plus ni moins que l'affirmation. Certains te disent que tu en fais trop parce qu'ils n'en font pas assez, quoi. Et ça, c'est une vision de la vie que je trouve caricatural quoi. Bon, voilà, bref. De toute façon, on n'a pas exactement la même perception par rapport à ça, mais je voudrais pas m'arrêter sur ça parce que c'est pas très important en fin de compte. Moi, je suis quand même un peu étonné. Enfin, c'est perso et il y a aucun jugement qu'on puisse autant accorder de temps ou d'importance à ce que les gens pensent de soi. Moi, j'ai un détachement puissance 1000 par rapport à ce qu'on peut penser, par rapport à même des proches. D'ailleurs, je parle très peu de ce que je fais en général, parce que je le fais pour moi. Alors, bien sûr, il y a des choses que je fais pour les autres, etc., mais sans forcément d'ailleurs même en parler. Mais rarement, je me dis, tiens, un tel, il me perçoit comme ça. Et tout. Enfin, vraiment, c'est bien. J'apprends vraiment des choses avec vous là pour le coup parce que j'ignore ce que ça peut faire quoi. Enfin, moi j'ai un détachement par rapport à ça, le regard des gens, est-ce que j'ai changé pour eux, etc. Je me pose jamais ces questions, enfin jamais vraiment quoi. Bah tant mieux, reste comme ça franchement, parce que sinon c'est compliqué. Je sais pas, ça a des avantages et des inconvénients, je pense. Ça a des avantages et des inconvénients. Moi j'aime bien ta réaction, Margie, qui dit à David reste comme ça, parce que ça montre bien que des gens qui sont un peu câblés plus comme nous que comme David et pour qui le regard des gens, pour moi c'est une réalité, c'est une réalité et qu'on le fasse, le fait qu'on agisse en fonction, enfin en tout cas je dis pas qu'absolument tout le monde vraiment pas sur cette planète, voilà, toi tu peut-être que t'agis pas du tout en fonction, ou alors que inconsciemment t'agis en fonction, mais dans une très petite mesure par rapport à Margie ou moi par exemple. Tu as réagi mardi en disant à David, reste comme t'es. Ça montre bien que nous, le fait d'être trop comme nous sommes, et bien souvent on observe beaucoup plus les problèmes de ce genre de réaction. Le fait de trop considérer le jugement des autres, l'avis des autres, le ce que les autres vont penser de ce qu'on peut faire dans la vie, c'est parce que peut-être dans notre vécu, Marjorie et moi, on l'a beaucoup plus vécu. On a beaucoup plus eu des gens qui sont venus nous juger pour ce qu'on a fait. Et ça, ça nous a marqué. Ça a fait de nous qui on est aujourd'hui. Et du coup, on s'en fout pas. On essaye, on vit avec, quoi. On vit avec et ça nous a façonné. Et je trouve ça super intéressant, la réaction de Marjorie qui est reste comme ça, parce que moi, je vis à l'inverse. Elle te dit, reste comme ça, David. Moi, je vis l'inverse. Et l'inverse n'est pas facile. Ouais. Clairement, après, considéré... je pense pas que ça veut dire que David n'a pas peut-être vécu des trucs aussi où il a été jugé. Ou... Voilà, exactement. Mais lui a réussi à réagir d'une autre façon et c'est bien. Exactement, voilà. Parce que le câblage est différent. Ouais. Le câblage n'est pas le même. Le câblage peut-être qu'on a développé. Enfin, je sais pas, David, mais tu as réussi justement à câbler autrement, à ne plus en avoir... Non, mais voilà. Non, de toute façon, je ne vais pas rentrer je vais pas rentrer dans tous les détails, etc. Mais je sais très bien quand on pense des choses de moi, ce qu'on peut penser, grosso modo, etc. Je ne cherche pas à le savoir. C'est ça, le truc aussi. Ouais. Je ne cherche pas spécialement à le savoir. Je ne guide pas du tout mes actions ou ma façon d'être, etc. par rapport à ce que... pas ce que les gens pensent, mais même ce qu'on peut attendre de moi, quoi. Je veux dire, c'est pas que ça m'est égal, c'est que je trouve que c'est inutile, et surtout, pour moi, sur plein de thèmes, qu'on va pas détailler, parce qu'on parle de sport ici, pour moi, c'est aussi une question d'émancipation, de liberté, quoi. Ouais, mais t'as liberté, raison, quoi. Mais tu sais, tu dis... Oui, pardon, vas-y, finis. Non, je veux dire, on pourrait parler en termes d'économie, de politique, etc., de société, de débat de société, etc. Bon, voilà. De toute façon, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, ce sera potentiellement polémique aussi. Donc, pas plus mal. Hein. Attends, moi, je veux juste te dire un truc sur ce que tu as dit, David. Oui. C'est, ça ne veut pas dire que nous, on va agir en fonction de ce que les gens attendent de nous. Enfin, moi, personnellement, je vais parler personnellement. Mais je vais faire ce que je veux faire, ça, y a pas de, c'est sûr. Mais par contre, malheureusement, je vais pas arriver à me détacher du fait que je vais me faire juger ou ça va me toucher. Voilà, c'est ça surtout. Bon après voilà, mais je vais pas agir en fonction de ce que les gens vont dire. Mais peut-être que d'autres le font aussi, je sais pas. Mais ouais. C'est, sans doute, c'est évident même quoi. Ah ouais, je suis assez surpris, David, que tu dises que tu apprends des choses. Dans ce qu'on vient de dire là, parce que j'ai vraiment l'impression que le cas où des gens ne font pas du tout gaffe, très peu gaffe au regard des autres, c'est un cas beaucoup plus marginal que tout l'inverse. À savoir, la quasi-totalité des gens vivent avec le regard des autres. Ça me paraît pas étonnant, dans le sens où ça me paraît être la normalité, la normalité étant le comportement de la majorité des gens. On vit tous au travers du regard des autres. En tout cas, la masse vit la masse des gens, la norme étant ce qui caractérise la majorité, si on part de cette définition. Eh bien, pour moi, vivre au travers du regard des autres, c'est la base d'une société qu'on peut, je pense, qualifier de société d'apparence dans laquelle on vit. Mais voilà, après je pense aussi que la société d'apparence c'est pas quelque chose d'universel et c'est pas quelque chose qui traverse forcément aussi tous les temps, mais bon après ça c'est encore autre chose. Maintenant je sais pas, je peux rebondir sur les autres points peut-être. Évidemment. En vrac, c'est le principe. J'ai à un moment donné, je vous ai entendu dire, je vous ai entendu parler d'évolution. Je crois que c'est toi Marjorie que j'ai entendu parler d'évolution, on évolue, on devient etc. Moi je vois pas forcément ça, je suis dans la contradiction aujourd'hui, je suis désolé. Je suis en train de faire un biais. C'est pas mal du tout, mais c'est pas sur la chronique, hein, c'est sur la discussion juste après là, que tu rebondis. Sur la discussion post-chronique. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ok. Ouais, la contradiction, c'est bien. Ouais. En fait, je rigole. Hein. Moi, je pense qu'aussi, on n'est pas obligé de voir ça non plus. Enfin, si, on peut voir ça comme des étapes, mais je pense aussi que parfois, ce qu'on est, ce qu'on a en nous, qu'on a envie de faire aussi, tout simplement, de façon prosaïque, parfois c'est là en fait. Et on en est parfois pas conscient, parfois conscient. C'est là. Et il y a des choses qu'on va réaliser. Elles étaient là. Alors forcément, peut-être que les gens le perçoivent pas, je sais pas. Mais il y a des choses qui vont se révéler, mais qui étaient là. Et ça fait pas partie d'un cheminement forcément. C'est juste cette petite remarque que j'avais notée. par rapport à l'idée de d'évolution. Bah, après, on peut se dire que c'est tout ça, c'est une grande évolution. Et ouais, ça peut être aussi un cheminement pour arriver à sortir ce que tu avais en toi à la base. Dans ce cas, tout est un cheminement. Mais je voulais quand même nuancer en disant que parfois, on ne devient pas tout le temps. Parfois, c'est là quand même. Et moi, il y a des choses pour lesquelles je pense que c'est là, mais je ne révèle pas, en fait. Enfin, voilà. Bon. Par rapport à l'identité aussi, ouais. J'avais noté ça. Ouais. Moi, je ne sais pas ce que je suis, en fait. Et je trouve ça cool aussi de me... Enfin, moi, je me dis... Je suis chaud quoi, pour me découvrir, voire me surprendre. Quoi. Mon identité, c'est, je trouve que c'est quand même quelque chose de vague. C'est toujours la question, est-ce qu'on se connaît vraiment, etc. Ou est-ce qu'on est finalement un étranger pour soi-même, ça pose la question de la perception, peut-être, pour des gens comme vous. Du coup, la différence entre la perception que les gens ont de vous et ce que vous êtes vraiment, qui a le plus raison là-dedans, finalement ? Je ne sais pas, en fait. Et donc, pour moi, je trouve ça cool aussi de se dire, bah, on fera le bilan calmement à la fin. Et puis, bah, vous direz ce que vous pensez de moi sur mon épitaphe, si vous voulez. Je vous laisserai carte blanche. Ok, c'est retenu. Ouais. Et un dernier truc que je voulais dire par rapport au changement. Alors là, évidemment, on pressent qu'il y a un petit désaccord entre nous là-dessus. J'en ai parlé quand j'ai parlé de... de la fameuse affirmation qui dit certains disent que tu en fais trop parce qu'ils n'en font pas assez, quoi, c'est ça, je crois. Ils restent dans leur canapé. Ouais, mais attends, ouais, d'accord. Je trouve que c'est quand même vachement caricatural. Mais oui, c'est une vision. Bah ouais, c'est carrément caricatural. Tu caricatures ce que moi j'ai dit. Qui pour toi était déjà caricatural, ce que moi ne trouvais pas, mais bon. Non, ouais, mais je pense tout simplement que votre discussion après chronique, qui forcément est aussi limitée parce qu'on n'a pas passé 3 jours et puis on y réfléchit pas vraiment, là on en parle comme ça à bâton rompu. Je pense que elle pouvait quand même être caricaturable, quoi, je veux dire. Donc bon, bref. Totalement. Moi, mais qui est-ce qui ne l'est pas? Et oui, d'accord. Ouais. Okay. Mais bon, après, le truc que je voulais dire aussi par rapport au changement, et ça, j'y réfléchis quand même, j'y réfléchis assez souvent parce que je participe à des réunions publiques. Des fois, les gens te donnent l'impression d'être réfractaires au changement, mais parce que c'est peut-être aussi parce qu'ils en ont vu d'autres, en fait. Ils relativisent aussi tout simplement, quoi. Je pense par exemple aux personnes âgées à qui on dit voilà, maintenant ça c'est l'avenir. Mais eux, il y a des choses qu'ils ont vécues et à ce moment-là on leur a dit c'est l'avenir. Et en fait, en 10, 20, 30 ans, c'était plus l'avenir, en fait, quoi. Là par exemple, je parlerai du numérique par exemple. C'est l'avenir. Ben ouais, c'est l'avenir. Ok, c'est vrai, c'est l'avenir. Mais dans 20 ans, 30 ans, ce sera peut-être plus l'avenir, quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de relativiser. Et je pense que la parole des gens qui semblent réfractaires au changement, il ne faut pas la caricaturer, il faut l'écouter, il faut essayer de l'analyser aussi pour voir si ce n'est pas aussi le fruit de l'expérience. Quoi. Voilà. C'est pas aussi un peu être blasé quand même ? Ça peut aussi, mais ça peut être plein de choses, en fait. Oui, c'est oui, mais ça peut être aussi... C'est non parce que je ne vais pas être capable. Parce que c'est ça qui est sous-tendu, c'est dire je ne serai pas capable. Ben non, c'est pas que ça. D'ailleurs, chez beaucoup de personnes âgées, c'est beaucoup parce que ils en ont vu d'autres, en fait. Ouais, et puis aussi ils en sont à un point dans leur vie où ils ont peut-être pas envie de réessayer. Ils ont pas l'optimisme ou je sais pas comment dire. L'énergie. Ouais, l'énergie de se dire ouais, ok, c'est bon, c'est mais le. Ça existe. Ça existe, mais moi je voulais préciser qu'il n'y avait pas que. Il y avait plein de choses, en fait, dont ce que tu dis. Ouais, mais du coup, moi je suis quand même vachement d'accord avec ce que tu dis, David. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est de beaucoup nuancer ce qu'on a dit. Mm-hmm. Et en fait, la nuance, c'est toujours bon à prendre. Du coup, il n'y a pas grand chose que tu dis qui me choque, bien au contraire, et avec lesquelles je vais être en désaccord. Enfin. Non, je pense que tu as des considérations plus urgentes actuellement. Mais est-ce qu'on dit au bonito ce qui se passe ? Bah, je pense qu'on peut, parce que c'est drôle. Je pense que ça marquera l'épisode. Ouais, en plus, ça se trouve, on l'entendra. Attends, ensuite, on va l'entendre, je vais ouvrir la porte. Vas-y, mets-nous, là. Je vais ouvrir la porte. La bande de son. Voilà. Oui. Alors, est-ce que c'est que ce bruit, les bonitos ? Je vais vous le dire. C'est le tuyau des pompiers qui est en train d'éteindre le feu deux étages plus haut. Voilà, et nous on enregistre une émission calme. Ouais, il faut expliquer quoi ? C'est que d'abord, David a son ordinateur qui a failli partir en fumée. Ce qui a entraîné, effet papillon, qui a entraîné un incendie chez Emir. Moi je pense que c'est lié. Et on peut préciser encore un truc, c'est que le détecteur incendie de chez Emir s'est manifesté. Donc, mais il enregistre quand même. Il y a des signaux lumineux. Je pense qu'il tentait du morse. Il tentait de te dire « Sors, sors, Emir !» Mais non, tu es resté pour Jogging Bonito. Je suis resté pour Jogging, ouais. Sur ces belles paroles, on va s'arrêter sur cette chronique. On s'aime encore, hein, non? Ah, oui, ah bah donc, ouais, hein, il faut, bah ouais, bien sûr, mais il faut nuancer ça, parce que je sais pas, non, si on nuance, je sais pas à quel point il faut s'aimer dans notre entièreté, dans nos nuances, dans nos aspérités. Voilà. On passe donc à la deuxième chronique intitulée Courir un danger. Alors le plus souvent on associe le fait de courir à un plaisir innocent, tant mieux, et ça devrait le rester, mais ce n'est pas toujours le cas. David nous entraîne de ce côté-là. Quand on parle de course à pied, vous le savez, on en vient vite à se poser la question sacrée, que ce soit sur un truc du début des années 2000 qu'on appelle blogueur, skyblog, overblog ou autre WordPress bien barbant. Pourquoi est-ce que bon Dieu je cours, saperlipopette ? On a déjà traité hein, dans cette émission. Et qu'on pourrait sublimer depuis le temps en... Qu'est-ce qui m'a pris de me poser la question tout haut devant des témoins qui ne m'ont rien demandé et qui préféreraient qu'on leur dise qui de Margi, Emir, moi-même, finirait premier sur les poteaux de Koh-Lanta après que Rémi, Hélène ou Xavier se seraient plantés lamentablement à l'épreuve d'orientation? C'est moi qui finirais la dernière sur les poteaux. Ah, t'es de 6 pieds, c'est pour ça. Tu choses du combien, Emir? Du 43. Ah ouais. Ouais, parce que ça compte beaucoup. J'ai hein, un moi, avantage, c'est pareil. Là, les gars. Ouais, t'es un avantage. Tu choses du combien ? 38. Ah, bon, bah tu gagnerais peut-être. Bon, vous allez me dire, pour ce qui est de Rémi, ça m'étonnerait qu'il se fasse botter les fesses sur ce genre d'épreuve. Mais bon, en slip sur le sable, sans ses gadgets et ses barres chocolatées sneakers... Ah bah ouais, il est mort là, ouais. Ouais, il est tout aussi peu impressionnant que Jean-Pierre sans son costume moulant, ses bagouses et ses grosses autos. J'arrête de vous parler de Koh-Lanta, même si j'espère que Renan nous racontera dans la newsletter des Bonito que la tribu des Mizuno a décidé de l'éliminer et leur sentence est irrévocable parce qu'il a éteint le feu avec une flasque Salomon. Courir, c'est la liberté, le bonheur, la chance, le plaisir de communier avec la nature et les éléments. S'accorder du temps pour soi, méditer, faire de la pleine conscience, parler tout seul, philosopher, profiter d'une séquence d'introspection à Emir, calculer ses frais réels pour les impôts, répéter dans sa tête la dernière œuvre de Jennifer plébiscitée par les mioches. Papa, on peut la remettre. Courir, c'est se sentir fils du vent, miroir des étoiles. Courir, c'est sentir le pétrichor après la pluie, c'est éviter belle-maman et ses visites à l'improviste, c'est couper à travers champs pour vite aller satisfaire un besoin pressant. En somme, courir, c'est de la poésie. Si vous avez pris la fâcheuse habitude de parler de course à pied sur un blog ou un Insta au lieu de tenir un forum pour fans de Vita ou de Tal, vous êtes forcément tombé sur ce genre de... dans ce genre de pensif. Par exemple, Margie sur Instagram le 9 mai 2016 ou Emir sur son blog le 23 février 2014. Hein ? Mais je me pose la question suivante. Quelle est la pire raison pour laquelle je cours ou j'ai pu courir ? La réponse est la suivante. Pour fuir. Je me souviens, lorsque j'avais un truc comme 10 ans, ma mère m'avait envoyé chercher le pain et pour aller plus vite, j'avais exceptionnellement emprunté une ruelle un peu étroite et longue, alors que je l'avais parcouru à peu près d'un tiers environ, et j'ai vu un chien démarrer en trombe un peu plus loin et se précipiter dans ma direction. Et c'était un Saint-Bernard, je me souviens, je ne sais pas trop ce qu'il faisait dans le Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs. Il s'était perdu. Il s'était perdu, ouais. J'ai tourné les talons, j'ai sprinté comme jamais sans me retourner. Et tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas réussi à me croquer les mollets. Je me souviens aussi d'une fois, à peu près au même âge, où j'avais volé un jouet dans un centre commercial et qu'un client m'avait capté. Et j'avais fait un signe comme ça, naïvement, de la main, et de façon un peu maladroite. Et une fois atteint le rayon suivant, j'ai couru comme un dingue pour l'empêcher de me retrouver pour le semer. Ça m'a tellement perturbé, en fait, que pendant plusieurs mois, lorsque je me retrouvais sur la route de policiers ou de gendarmes, je m'enfuyais de peur que le shérif ait lancé un mandat d'arrêt à mon attention. Hein. Et cette petite bagnole futuriste Captain America, elle me valait le statut d'ennemi public numéro 1. Ouais, ouais. Tu l'as toujours, plus grand j'espère. Entre... ben, je sais pas, je ne sais pas ce que pensent les gens de moi. plus grand entre 16 ans et 18 ans, je faisais de la musique avec des amis et il m'arrivait de rentrer très tard. Quand j'arrivais à choper le dernier bus, il me déposait à 7-8 km de chez moi et je devais traverser le quartier le plus craignos de l'île. C'était une longue ligne droite d'un kilomètre et demi environ que je parcourais à 150% de ma VMA. Il n'était pas rare que, pour éviter l'inquiétude liée à l'ambiance nocturne, je termine ma sortie au petit trot, ce qui me fait dire que parmi nous ici, c'est moi qui ai inventé l'endurance fondamentale. Voilà. Sans raconter toute ma vie, je peux aussi dire que courir m'a permis d'esquiver des embrouilles que ma tête de minée à l'époque et quelques fréquentations m'attiraient. C'est ainsi que j'ai parcouru plusieurs des principales artères de l'île, coursé par le tiger le plus réputé de la ville. Et parfois, j'ai pas pu esquiver. Comme un soir où je courais désespéré encore une fois pour attraper le bus, une voiture est arrivée à contresens, elle a freiné brusquement à mon niveau, j'ai accéléré comme pour arracher un moins de 40 minutes aux 10 km, et je me suis retrouvé plaqué par un gars plus rapide, dont je découvrais alors qu'il appartenait à la BAC, un flic athlétos, voilà, la double peine. J'ai plein d'anecdotes encore, comme une fois dans les bois où j'ai entendu un tir qui m'a semblé vraiment tout proche avant de me rendre compte l'instant d'après qu'un chasseur me faisait face sur l'autre rive du canal, la carabine à la main pointée vers moi. Et ça, c'est vraiment une sale raison de courir et d'aller chercher des segments Strava, du coup. Il nous arrive de courir pour fuir et on se sent vulnérable. Vulnérables comme des femmes agressées pendant qu'elles courent, obligées d'organiser leur sortie avec minutie, horaire, lieu, accompagnateur, de manière à minimiser le risque de tomber sur une personne dangereuse. Tout de suite, ça fait moins rêver. Hein. Vulnérables aussi comme quand on est noir aux États-Unis et qu'on a juste décidé de faire son jogging dans un lotissement. C'est comme ça que Ahmaud Arbery a perdu la vie en février dernier à Brunswick, en Géorgie. Il courait au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, au mauvais endroit, ok, mais la Géorgie, c'est aussi un des États confédérés d'Amérique, je crois, hein, pendant la guerre de sécession. État opposé à l'abolition de l'esclavage et en conflit avec l'Union donc les États-Unis d'Amérique de Lincoln. Quand on sait que cette guerre civile a abouti à la création du Ku Klux Klan, aux lynchages qui ont duré jusqu'aux années 60, 1960, et la fin des années 60 même, parfois. Mais ça a aussi débouché sur le mouvement afro-américain des droits civiques. Quand on a entendu parler des émeutes de Los Angeles en 92, ou plus récemment la mort de George Floyd, on se dit que c'est vraiment pas sans risque de courir dans une rue paisible quand on est noir et parce qu'on est noir. Même si on regarde ce que l'on sait, pour certaines personnes, courir, c'est fuir, et c'est sans doute une question de survie. Sombre et ouais. Honteuse histoire, hein, malheureusement. Et rappelons-nous de la chance que l'on a, nous, de ne pas être stigmatisés. Bien dit. Tout à fait. Émir, tu t'es déjà senti, toi, en danger en courant ? C'est une bonne question. Je te dirais oui, mais pas du tout, du tout pour les mêmes raisons. Le premier truc qui me vient en tête, sur un run d'entraînement, ça a dû m'arriver quelques très rares fois. Mm-hmm. On a tous des situations où quand on repère une situation un peu dangereuse, que ce soit parce que tu passes dans un endroit où tu sais que c'est un endroit un petit peu, il peut t'arriver quelque chose, ou où tu vois un chien qui fonce vers toi et il n'a pas l'air de venir pour juste te lécher, y a ton cerveau qui se dit « Oula, ça pue ouais. ». Après, le danger est vraiment très, très, très relatif hein, dans ce cas-là. Le plus, dans le pire des cas, tu prends une morsure. Hein, voilà. Après, ce que j'ai pu voir comme danger plus important, c'était sur une course, et c'est un souvenir qui m'a marqué, dont j'ai déjà parlé dans Jogging Bonito, c'est sur un ultra où, une fois, j'ai vraiment cru que ça allait mal finir, quoi. Du danger, de la pluie, des pentes boueuses où tu sais pas où tu, enfin si tu t'engages dedans tu sais pas où tu vas finir. Ça j'ai, enfin j'étais pas tout seul à cette époque à courir, hein, j'étais avec Carole et du coup bah je me souviens que j'avais vraiment eu peur pour son intégrité physique. En gros, elle était vraiment figée, enfin il y a une vidéo là-dessus, hein, sur internet qui est toujours là. Sur l'ultra du pas du diable, si certains veulent la voir, si ça les rend curieux, cet épisode, elle existe. Et ça, j'ai vraiment eu peur ce jour-là. Ouais. Je pense que c'est mon souvenir où je me suis senti le plus en danger en courant. C'était sur une course et dans des conditions d'ultra. Donc vraiment rien à voir avec ce qu'on vient de se dire. C'était pas de l'insécurité liée à une situation. À une agression. Non, pas du tout. C'était les conditions dans lesquelles on s'est même volontairement mis, puisque voilà, on va délibérément sur un ultra a priori. Quoi. Et est-ce que vous pensez à certains dangers avant de partir, quoi ? Est-ce que vous prenez des précautions avant de partir. Des choses ou des étoiles de ninja. Ouais, pourquoi pas. Ou des endroits que vous n'allez pas parce que seul, vous savez que ça craint ou je sais pas. Enfin, moi, je sais qu'en tant que femme qui court, on dit souvent que, bah, tu l'as dit aussi dans ta chronique, qu'il faut faire attention où on va courir, qu'on dise à quelqu'un où on va courir, etc. Est-ce que vous le faites, hein? J'avais un parcours pendant un certain temps et j'avais remarqué qu'il passait vraiment au carrefour d'un point de deal important. Et parfois, pour fanfaronner, certains ont essayé de me courser, quoi. Voilà, c'était pas un sentiment d'insécurité, mais c'était plutôt c'était plutôt une espèce de lassitude qui fait que j'ai changé un peu le parcours en me disant de toute façon. Il n'y aura personne qui pourra fanfaronner sur mon dos et voilà, de toute façon, peu importe. Il y a d'autres situations comme ça où j'ai parfois eu peur, hein, honnêtement, le dimanche matin dans certains bois au moment de la chasse, par exemple. Ouais. Et j'avoue, si parfois je peux mettre des vêtements bien flashy, j'hésite pas quand même parce que t'entends les bruits parfois, vraiment les bruits de balles, quoi. T'entends ça vraiment des fois très proche et tu te dis mais enfin j'espère ne pas me trouver dans la trajectoire quand même, quoi. Ça m'est arrivé aussi pas mal en France. J'ai jamais vu ça ici, mais enfin aux États-Unis, mais en France ouais c'est impressionnant. Même j'étais assez choquée en fait, hein, de voir ça, parce que même sans parler de nous qui courons, je me disais mais il y a des enfants qui se promènent aussi le week-end complètement. Moi complètement. Je me suis déjà retrouvée où je me suis arrêtée net et j'avais une meute de chiens qui m'est passée qui était en train de ouais, tu te dis, et tu vois passer derrière le gars avec sa carabine, tu te dis ah ouais quand même, hein, il était juste à côté, enfin bon. Ça me fait penser à un truc, c'est que parfois, tu vois, quand t'aimes bien courir, tu te prends à rêver, tu te dis, je me ferais bien un tour d'Europe, un truc. Et en fait, il y a un type qui a fait ça, je crois, à vélo. À vélo. Je voyais ça, un type que je suivais sur Instagram, un type qui a dû interrompre, je crois, à cause du confinement. Et à un moment donné, il devait passer, je crois que c'était en Turquie, dans la campagne. Et il y a un passage où de toute façon, dans la campagne, ils ont des comment on peut appeler ça, je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de surchiens, quoi. C'est des chiens mais de taille vraiment impressionnante. Je sais plus comment ça s'appelle. Certains bonitos connaîtront peut-être, mais je me dis, tu cours, t'as envie de te faire une épopée, un truc incroyable, t'as intérêt à bien te préparer, parce que quand tu traverses des endroits un peu très reculés, de pays assez éloignés. Tu pourrais te faire surprendre. J'ai un parcours aussi que j'emprunte volontiers dans la campagne. C'est une petite route de campagne et il y a vraiment des moments où à certains horaires des gens en voiture le prennent comme raccourci ou comme, enfin, pour gagner du temps ou bien quoi. Et parfois je me dis mais je me mets sur le bas côté vraiment dans ce qu'il y a comme herbe, limite dans le fossé, quoi. Et si je le faisais pas, peut-être que on me foutrait en l'air, quoi. Ah ouais, donc ça c'est une question d'insécurité. Ouais, voilà. Mais je pense que ça pourrait être sympa, en fait, d'avoir ton point de vue ou ton retour d'expérience, un peu, toi, en tant que femme, savoir un peu comment tu t'organises, les questions que tu te poses. Parce que tu me poses la question, mais t'as pas détaillé, en fait. Ouais, moi alors, sincèrement, je me suis jamais trop posé la question en me disant que j'étais une femme, quoi, d'aller courir en tant que femme. Je suis peut-être inconsciente, hein, mais les seules fois où je me suis sentie, où j'ai senti que j'étais une femme en train de courir, c'est en ville, hein, quand je cours en ville, hein, notamment quand je courais à Paris, pas ici, j'ai jamais eu cette expérience ici aux États-Unis. Mais en même temps, c'est même pas lié à forcément à courir, c'est être une femme seule dans la rue. Et en plus de ça, t'ajoutes de la course à pied. Et si tu rencontres des gars, souvent quand ils sont plusieurs, parce que c'est là qu'ils se sentent les plus malins, siffler ou une voiture qui passe et qui te siffle. Et voilà. Donc c'est pas vraiment, je me sens pas forcément en danger, mais je trouve ça tellement stupide. C'est pas le summum de la sécurité non plus, je présume, Ouais, dans c'est ce... sûr. Ouais, ça, en fait. Ça m'énerve plutôt qu'autre chose, quoi. Je me dis, les Ouais. gars, mais vous avez jamais vu quelqu'un Un courir? petit Enfin, peu plus je rapide. comprends pas Ouais. comment on peut se dire dans sa tête, tiens, je vais siffler parce qu'elle court, quoi. Parce qu'elle est une femme et Bon, qu'elle court. ça trouble ta sérénité quand même, un Ouais, petit peu, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc, il y a ça. Après, les dangers. Moi, quand je m'entraînais pas mal sur les trails et que je faisais des longues distances, alors, c'est pas forcément lié au fait que je sois une femme. J'y allais seule. Ben, j'avais peur du. Et aussi, il faut savoir que sur les trails ici, on capte rien du tout. Donc, je savais que quand j'étais partie, je suis partie pour des heures et personne ne savait où j'étais. Donc, là, les dangers, c'est quoi? Ben, c'est tomber. Ça m'est déjà arrivé. J'ai eu la chance d'être capable de rentrer et de ne pas m'être fait trop mal pour pouvoir rentrer. Et les animaux ici, ben notamment les serpents à sonnette, qui, bon, si on se fait piquer par un serpent, ou mordre par un serpent à sonnette, ben voilà, enfin, il faut vite aller à l'hôpital. Et le problème, c'est que si tu es seul et que tu sais pas qu'il n'y a personne pour te récupérer, ben, et que tu n'as pas de réseau, c'est un peu un souci. Donc, c'est les choses qui me font peur. Ce que je fais pour ça, c'est juste que ben, j'envoie un message quand je pars, j'envoie un message quand je reviens. Et je donne la map de mon run, quoi. Je le map et je sais comme ça. Enfin, Ah ouais. ouais, je donne la map comme ça. Si je suis pas rentrée, si au bout de je sais pas combien d'heures je suis pas rentrée, au moins on saura où On me sait où te chercher. chercher. Ouais, voilà. Donc c'est les seuls dangers vraiment. Après, quand je cours par chez moi en France, c'est dans la campagne. Je me suis jamais sentie en danger parce que peut-être tout simplement parce que c'est les endroits où j'ai grandi, donc je connais ces endroits depuis que je suis toute petite. Bah oui. Donc j'ai jamais senti un sentiment d'insécurité. Par contre, c'est vrai que j'avais pas pensé, là tu as mentionné le fait de courir, enfin d'avoir peur des voitures. Alors ça, en campagne, c'est ouais, ça moi j'ai la trouille parce qu'en effet les routes elles sont petites. T'as pas forcément de bas-côté pour te mettre. Les gens, des fois, tu te dis, mais ils nous voient pas, ou ils s'en fichent, ou je sais pas. Enfin, c'est. Donc là, je fais toujours en sorte de courir en face des voitures et non pas Ouais. de pas les avoir qui m'arrivent derrière moi. Bien sûr. Et puis de porter. Ouais, j'avais acheté d'ailleurs quand on vivait près de Montpellier, là, les routes étaient vraiment petites. Un sombrero. Ouais, ça aurait été bien, mais non, j'ai pas pensé à ça. Des lumières, enfin un truc pour mettre sur le bras qui clignote. Parce que c'est vrai que toi, en tant qu'automobiliste, parce que moi, quand je conduis aussi, je me dis, bah en fait, tu vois les personnes au dernier moment, hein. C'est vrai. Tu te demandes qu'est-ce que c'est, et c'est au dernier moment que tu te rends compte que c'est une personne qui court, quoi. Donc avec un truc qui clignote, tu sais que ça va forcément attirer ton attention et tu vas faire attention, quoi. Donc voilà, c'est les seuls dangers. Et ouais, les dangers liés au fait que je suis une femme. Ouais, je les prends peut-être pas assez au sérieux, peut-être, mais ouais, j'y pense pas vraiment. Encore. Bah, du coup, tu parlais des femmes. Est-ce qu'il y a des populations autres à risque? Donc les femmes, ouais, et les Ben, les minorités? femmes, c'est pas rien parce que quand même, ça alimente pas mal les faits divers, on en entend souvent. Je pense que là, il y a quelques jours, on a entendu une joggeuse du côté de Toulouse qui Ah ouais. était rouée de coups pour... pour un vol de portable, quoi, par exemple. L'agresseur a été maîtrisé, je crois, mais voilà. Aussi, dans le Loiret, j'avais lu qu'une joggeuse de 17 ans a été violée, par exemple. Enfin, c'est un danger qui est vraiment très, très présent, et enfin, qui a l'air très présent, mais surtout qui est à considérer, quoi. Ouais. Par rapport à d'autres types d'agressions, c'était ta question ? Ouais, ou ouais, les populations qui sont à risque en courant, quoi, qui peuvent être en danger en courant. Plutôt que de population, je dirais plutôt d'endroit. Je sais pas, je pense qu'on... Ouais, après, parce que je pensais... Quand on est issu, une personne de issue des minorités, on évite peut-être de les repères d'identitaires ou je sais pas. Non, je j'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais non, c'est pour par rapport personne, je ne suis pas trop en parler, moi. Parce que finalement, ouais, les minorités, est-ce que donc finalement, ouais, les Noirs ou les Maghrébins qui courent, est-ce que elles sont plus à risque, quoi? Bon, malheureusement, ça a prouvé que oui, mais je l'ignore. Émir, tu t'en penses quoi, toi? Est-ce qu'on t'a déjà stigmatisé en course à pied? Non, Mardi, ça ne m'est jamais arrivé de me sentir stigmatisé. J'ai eu tout récemment une mésaventure qui, je pense, m'en a vraiment, mais alors strictement rien à voir avec de la stigmatisation. Mais tout récemment, j'ai été arrêté pendant que je courais, mais un truc violent, ah. Vraiment violent. J'étais en train de courir relativement vite, c'était un matin assez tôt. Voilà, je crois qu'il y avait un salon qui se lançait, j'étais pas très loin de Porte de Versailles, et du coup, enfin, le salon devait peut-être recevoir une visite, je présume, d'un politique ou un truc comme ça. Du coup, il y avait un peu des flics de partout. Mm-hmm. J'étais en train de courir assez vite, j'avais des écouteurs, j'étais en ligne droite, il y avait deux flics devant moi qui me voyaient, je les voyais. J'ai supposé qu'ils allaient pas du tout m'arrêter ou quoi que ce soit, j'ai supposé bien sûr. Et en fait, sans aucun signe, sans sommation ni rien, au moment où je suis passé, où j'allais passer juste à côté des flics sur le trottoir, il y a l'un des deux qui s'est foutu juste pile en travers de ma route et qui m'a stoppé net, en se mettant devant moi, quoi. Ah. Mais sans sommation, je l'ai pas du tout vu venir ce move. Mm-hmm. Et c'était surprenant parce que du coup, bah, j'ai tapé dedans. On s'est tapé dedans, quoi, l'un l'autre. Mais bon, wow. lui, il savait ce qu'il allait faire, donc il a... Il était prêt. Ouais, lui, c'était, moi, lui c'était compris. Fait ça de... M'a, cons... enfin, m'a... il le faisait exprès, quoi. Il voulait t'arrêter. Ouais. Ah ouais, et ça m'a choqué. Pendant deux secondes, je savais plus où j'étais. Ouais, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais je pense, voilà, surtout parce qu'il y avait une forte surveillance, que j'étais le seul mec à se promener à courir, en matin très tôt comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'est une mésaventure où je me suis fait arrêter comme ça, c'est récent et ça m'a pas mal choqué. Mais je pense que n'importe qui à ma place, quelle que soit minorité, pas minorité, ouais. À quoi il ressemble ou pas, ça aurait été probablement la même chose, je présume. Donc c'est clairement pas ouais, il l'aurait arrêté aussi, tu penses? Et j'ai jamais vécu de... Ah, à mon avis, il aurait arrêté, je suppose, n'importe qui. Je présume, après, voilà, on sait jamais. Mais je me sens pas, dans la vie, je sens pas que j'ai vécu dans la course à pied. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai la chance que ce soit aussi dans le reste de ma vie, hein, course à pied ou pas, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir eu quoi que ce soit, j'ai jamais vécu de stigmatisation, en tout cas, je l'ai pas vu de mes propres yeux. Okay. C'est peut-être arrivé dans mon dos, ouais. Ce genre de choses arrive, effectivement, mais je l'ai pas observé de mes propres yeux au point que je puisse le constater et m'en plaindre, ouais, tout à fait. Et du coup, vous aviez confiance, vous, avant cet incident-là aux États-Unis, en Géorgie, de ces discriminations au niveau de la couleur de la peau, en courant notamment, là, bon, c'est l'exemple de la course à pied, mais... Enfin, moi, personnellement, je ne m'étais jamais dit... j'avais jamais réfléchi en me disant un noir qui court, ça le met en danger, quoi. Ou il se sent en danger. Bah, c'est... Le truc, c'est que si on prend l'exemple des États-Unis... une personne noire, un noir court un danger un peu, je dirais, un peu d'office, quoi, qu'il court ou non, malheureusement. Et ça semble en tout cas être reflet des témoignages qu'on a, ouais. Qu'on a suite au décès de George Floyd. Mm-hmm. Mais et en France, je dirais, en France, on semble découvrir, je veux dire, on très général, mm-hmm. on semble découvrir que ben que ça existe peut-être un peu. Alors je rentre pas dans le truc, c'est comme aux États-Unis, c'est pas comme aux États-Unis, ça, je m'en fous complètement de ça, c'est pas, je pose pas ça dans le débat quoi. Mm-hmm. Mais il semble quand même que l'on découvre que il y a des choses qui existent et que on n'a pas forcément la même sérénité quand on est noir, ben quand on croise des forces de l'ordre, mm-hmm. quand on voilà. Donc je suis encore une fois pas très bien placé pour en parler, mais j'observe moi et je. Mais est-ce que vous y aviez déjà pensé, enfin vous l'aviez déjà, enfin vous en aviez par rapport conscience. À la course à pied, par ouais, rapport, à la, par course rapport à, pied, à la course à pied, la couleur par rapport à la course à pied, etc. La, parce que moi je sais pas, peut-être je suis trop bisounours ou je sais pas quoi, mais je m'étais jamais dit parce que j'ai la chance d'être blanche très certainement. Mais je m'étais jamais dit, c'est délicat pour un noir d'aller courir, quoi. Je me l'étais jamais dit. Ah, moi non plus. Mais après, dans la mesure où être noir, ça peut comporter certains oui, risques. Oui, ça fait, dans c'est dans logique nos sociétés. Finalement. Voilà, c'est tout. Ça peut être logique. Extension. Mais fait, jamais. Par extension, quoi que tu voilà, fasses, par extension, comme dit. Mmh. Mais dans le cadre, je sais pas, moi, par exemple, d'une course, te dire que des personnes, que certaines personnes pourraient être inquiété dans le cadre d'une course, comme je l'ai dit, je me suis jamais dit. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, jamais pensé. Moi, ça m'a fait penser. Je me suis dit, est-ce que j'ai croisé beaucoup de diversité finalement en course à pied? Ouais. Alors, pas vraiment, ouais, en fait. J'ai pas l'impression. Mais je sais pas vous, si vous avez. C'est une remarque qui me fait réfléchir de fou. Et maintenant que tu le dis, je constate. Vraiment, véritablement, que il y a clairement des minorités en course à pied. Mm-hmm. Vraiment, mais vraiment par rapport au reste de la, enfin de la population, comme tu peux le voir à l'extérieur de ce sport, les gens qui prennent des dossards, je pense pas qu'on retrouve autant de personnes noires dans un marathon classique que dans le reste de la population. Que dans le reste de la population, ouais. En proportion, c'est faible. Mm-hmm. C'est la même chose pour les femmes, hein. ça c'est beaucoup plus su parce que c'est beaucoup plus analysé, mmh, ouais. C'est très facile de le faire, il y a de très faibles proportions, mais clairement ça je me suis souvent fait la remarque, au point que je me souviens sur des marathons où mon cerveau il a tilté tout seul, et j'ai fait le constat tout seul, quand je voyais une personne noire je me disais ah, tiens, waouh, ouais, voilà, ouais. C'est comment, waouh, pourquoi il est tout seul en fait, mmh. Et tu t'en étais à la remarquer, moi j'en étais à le remarquer au point tellement les proportions étaient faibles. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ce constat est là. Je sais pas du tout comment l'interpréter, mais le constat, je sais que je l'ai fait à plusieurs reprises sur de nombreuses courses. Mm-hmm. Ouais. Et, justement, pour l'interpréter... Ouais. Oui, vas-y, continue. Non, j'allais dire même chose. Si je dois penser, par exemple, aux personnes typées asiatiques ou aux petites personnes ouais. asiatiques, c'est pareil, j'en vois très très peu aussi. Bah, figure-toi que moi aussi, c'était le cas. Et justement, je me suis fait la remarque qu'il y en avait de plus en plus qui faisaient, par exemple, des trails. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Les Asiatiques se mettent à la course à pied ou au trail. mais c'est pour dire qu'en fait, on remarque. C'est quoi. Pour dire que tu as voilà. été interpellé, quoi. Ça t'a interpellé. Bah, ouais, je comprends. Ça, c'est aussi ce que j'essayais de dire. Tu es interpellé tellement... Ça te paraît voilà. pas bah, normal. Tellement c'était pas bizarre, la population qu'on voyait. C'est pas habituel. Ça rectifie un peu une situation qui est quand même pas normale. Ah oui, on est d'accord. C'est ça que tu dis, c'est ça que tu dis quelque part. Mmh, exactement. Mmh. Ouais. Mais du coup, pour revenir sur les raisons de cette exclusion un petit peu, ouais, pourquoi finalement il y a peut-être moins de noirs sur un marathon ou sur les courses de trail running ou les choses comme ça? Je sais pas, moi j'ai pas de statistiques de ça personnellement, je m'aventurerai pas dans une analyse précise là-dessus. J'ai pas les stats non plus. Mais je les ai vraiment pas du tout. Mais de mes constats dans ma vie, sachant que bon, il y en a quelques-uns, mais voilà, ça fait quelques dizaines d'épreuves, on va dire. C'est encore plus quelque chose que je note sur des ultras. Plus c'est long, plus je ne vois pas de personnes noires. C'est assez fou. C'est là où ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Si je me suis dit, mais comment ça se fait? Quand je voyais une personne noire sur un ultra, je me disais, mais Waouh, bon, il est absolument tout seul hein, dans ce peloton de blancs quoi. Ça m'a interpellé à plusieurs reprises. Avoir des statistiques de ça, à mon avis, c'est quasiment impossible. Mais il faut pas en chercher. J'ai pas de statistiques, mais par contre, c'est vrai que là, le débat s'est quand même beaucoup ouvert aux États-Unis, l'histoire en Géorgie avec George Floyd aussi. Mais comme je tourne dans les réseaux quand même de course à pied, j'ai lu certaines interviews de coureurs noirs justement et qui expliquaient, bon, c'est par rapport aux États-Unis, après je ne sais pas pour la France, mais que notamment c'est une histoire d'accès à la course à pied, parce qu'on a l'impression que la course à pied c'est facile et c'est accessible pour tout le monde, mais niveau finance par exemple, payer une inscription à un marathon ou à un ultra, c'est peut-être pas... Voilà. Alors, malheureusement, aux États-Unis, les Noirs, c'est souvent des personnes pauvres et elles ne peuvent pas se permettre de payer pour faire ça. C'est vraiment une bonne remarque. Ouais. C'est même... j'ai tendance à me dire, oui, en fait. À t'écouter, oui, en fait. Quoi. C'est vrai que quand on voit peut-être pas assez ces écarts de moyens qui sont pourtant avérés, quoi. Et alors que ça peut paraître évident en fin de compte. Ouais. C'est là qu'on voit qu'on est peut-être déconnecté de la condition de... Ouais. De la même façon, il y a aussi un accès, par exemple, sur les trails. Peut-être qu'eux n'ont pas été éduqués à aller... ou même des fois, les trails, c'est payant, il faut payer le parking du trail, ou ils ne connaissent pas les trails locaux, parce qu'ils n'ont pas eu la chance que leurs parents les amènent ou qu'on leur montre, enfin, tout simplement... voilà, bon, ça je parle, c'est spécifique aux États-Unis peut-être, je ne sais pas comment ça se passe en France, ce qui sont les raisons, comme on dit, on n'a pas de statistiques, etc. Mais voilà. C'est... Non, mais je ne pense pas que ce soit très utile et très pertinent qu'on se lance dans des explications, parce que vraiment, on a très peu de choses, on a très peu de compétences aussi, il faut peut-être le dire. Oui, tout à fait, c'est bien de le constater. Après, ça montre à quel point on peut... On met le doigt sur le fait qu'on ne sait pas grand-chose, quoi, et que dans notre condition à nous, on est assez ignorant. Ah, oui, tout à fait. Je donne ces exemples, c'est juste pour essayer de s'ouvrir un petit peu l'esprit, essayer de comprendre les points qui pourraient être bloquants, mais en effet, on ne sait pas, en fait, et on ne s'est pas posé les questions jusque-là. Oui, tout à fait, ce qui est effectivement un problème. Je crois qu'on est arrivé à la fin de l'épisode, on y est arrivé, malgré tout. Et c'était pas gagné d'avance, il fallait quand même une belle détermination. Nous y sommes arrivés, je sais pas quelle heure il est chez vous. Il est 2h13 du matin, le 12 juin. Ça y est, nous sommes passés à l'autre journée. En tout cas, ça m'a fait chaud au cœur de vous retrouver tous les deux. Et je suis heureuse qu'on ait abordé les sujets du racisme par le biais de la course à pied. Ça me tenait à cœur qu'on en parle quand même, c'est des actualités qui sont importantes. Tout à fait, ouais. Et Jogging Bonito n'est pas là que pour le divertissement, et c'est important qu'on se positionne et tout du moins qu'on ouvre la discussion sur des sujets aussi importants et universels. Tout à fait, Mardi. Donc merci Emir et David. Avec grand plaisir. Merci Mardi. Très merci, heureux de vous avoir retrouvé. Des retrouvailles presque explosives avec mon poteau David. Oui, tout à fait. On a failli se mettre sur la gueule. Ouais. Et les bonitos, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour continuer ces discussions. N'oubliez pas de nous envoyer du love sur iTunes via les commentaires et les petites étoiles. Ouais. Prenez soin de vous les bonitos, passez un bel été et à très bientôt. Bisous. Bye bye. Donc après, si cette piste est un peu exotique, les bonitos nous en voudront pas, ils savent pourquoi. Donc voilà, si vous entendez des bruits zarbi derrière moi, c'est normal, il y a eu le fuego dans mon bâtiment et on continue d'enregistrer. Voilà, c'était le petit aparté, désolé pour la qualité de la piste.